arrache du port, va sur l'eau, vers le sud ou le nord, sans savoir ce qui l'attend là-bas, au-delà de la mer. Comme lui, quand je pars chaque fois, c'est la nuit qui ne me quitte pas, et la vie passe à tout petit pas. Je m'ennuie loin de toi, mon cœur d'attache, c'est toi le toit de ma maison, c'est toi l'histoire de mes chansons, c'est toi mon chemin d'horizon, c'est toi mon cœur d'attache, c'est toi le toit de ma maison, c'est toi la voix de ma raison, c'est toi ma vie et ma passion, c'est toujours toi. Mes amis me reprochent souvent dans la vie d'être encore un enfant, car vois-tu, ils ne comprennent pas cet amour qui nous lie. Moi sans toi, je ne peux partager tout leur jeu, ne veux pas me brûler à ce feu, cette rage d'aimer, comédie de la vie. Mon cœur d'attache, c'est toi le toit de ma maison, c'est toi l'histoire de mes chansons, c'est toi mon chemin d'horizon, c'est toi mon cœur d'attache, c'est toi le toit de ma maison, c'est toi la voix de ma raison, c'est toi ma vie et ma passion, c'est toujours toi. Quand le jour éteint ses projecteurs, au retour, je retrouve dans ton cœur une fleur, une rose d'amour, et je crie mon bonheur. Mon cœur d'attache, c'est